Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo. Vous nous écoutez sur le 107FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Bienvenue à tous. Et comme tous les lundis à midi, je vous souhaite les bienvenus et bien dans la bulle. Et aujourd'hui, avec nous, presque une habituée, Hélène de Parenté Boutique, accompagnée aujourd'hui et bien de Christelle Balthazar. Bienvenue à toutes les deux. Est-ce que ça va ? Bah moi ça va bien, merci Lia, et puis bah merci de m'avoir réinvité, c'est toujours un plaisir. Ah bah c'est un plaisir partagé. Christelle, comment vas-tu ? Très bien, merci. Eh bien super, alors est-ce que vous êtes bien installées toutes les deux dans la bulle ? Oh oui, très bien. Parfait. Eh bien, c'est parfait, alors. Alors, on le sait, Hélène, tu as ouvert il y a environ bien 4 ans, hein, c'est ça, hein, un salon de thé qui parfois se transforme avec divers ateliers que tu proposes, comme celui de Christelle qui aura lieu très prochainement, lundi prochain, le 12, de 14h à 16h30, et qui, me semble, eh bien, a déjà eu lieu. Oui, elle est déjà venue donc il y a à peu près 6 ou 8 mois, oui. Donc pour la première fois, et ben ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'est une thérapie qui n'est pas encore bien connue, donc justement c'est elle qui en parlera. Ah, oui. Et du coup donc elle est venue donc fin octobre, oui. Et du coup donc elle reviendra donc comme tu l'as dit lundi prochain. Lundi prochain. Alors terme. Pour le moins méconnu, hein. Donc il s'agit cette fois de la crisothérapie. Alors j'ai donc fait mes petites recherches sur le sujet et j'y ai trouvé deux définitions, deux utilisations thérapeutiques. Et même si je sais de laquelle il s'agit aujourd'hui, j'ai quand même voulu partager ça avec vous. Sur Wikipédia, j'ai trouvé ça. La crisothérapie, c'est l'utilisation de l'or métallique ou de ses composés organiques ou inorganiques à des fins thérapeutiques. Alors ça, c'est quand même quelque chose, hein. Faut le savoir, mais il y a une autre définition, hein, ce serait une thérapie énergétique qui remonte à l'Égypte ancienne par son utilisation dans les temples ou les maisons de soins pour le peuple, et je pense que c'est plutôt cette option, hein, oui. Aussi vieille que la médecine chinoise, elle fut sauvegardée par l'action de Saint Antoine le Grand qui perpétua son enseignement. C'est une science des pathologies énergétiques. Cette connaissance antique se dévoile en France pour la transformation et l'évolution des personnes, la crisothérapie. Est-ce que j'ai bien choisi la deuxième option ? Voilà, c'est tout à fait ça. Ouf ! C'est une thérapie qui fait référence à la transmission d'un savoir et d'une pratique qui prend son origine donc dans l'Égypte ancienne. Oui. Qui a perduré et s'est enrichie au cours des siècles d'autres enseignements. Donc c'est une thérapie vibratoire et énergétique qui va permettre de restructurer l'individu dans ses plans physiques et émotionnels et mentaux. D'accord. Et quand tu parlais justement de l'or dans la première définition, quand on vient faire un soin, quand je pratique un soin sur une personne, je fais un soin de transformation finalement sur cette personne. Comme on a transformé un métal en or, moi je viens faire une transformation interne, un peu comme une alchimie interne, oui. Au sein des différents plans physiques, émotionnels et mentaux de la personne, pour l'amener à l'état, presque un état d'or. D'accord. De l'or, voilà. On recentre toutes ces énergies, si je comprends bien. Oui. D'accord. Alors, comment ça se passe ? En fait, la personne est couchée sur une table de massage, couchée ou assise. Et moi, je vais intervenir à des endroits très, très précis du corps grâce à des outils vibratoires et énergétiques, personnels, pour amener la personne à restructurer son équilibre énergétique, à lever les blocages, si elle en a, libérer les mémoires anciennes. Et au final, améliorer la capacité de la personne à exploiter son propre potentiel et pouvoir s'ouvrir à d'autres opportunités. D'accord, à se libérer peut-être aussi du poids que la famille peux très gentiment faire partager. Bien sûr, on peut se libérer voilà, oui, de tout ce que nous, de l'hérédité, de tout le poids familial. Voilà. Le but, en fait, c'est de permettre à la personne de retrouver finalement sa liberté pour prendre elle-même ses propres choix et faire son propre chemin sans être influencée par toutes les personnes qu'il y a autour, voilà, qui peut-être dans une bienveillance viennent polluer, agresser. Agresser la personne. D'accord. Alors, tu parles d'outils énergétiques. Il s'agit de quoi ? Comment tu fais pour aider la personne à faire ce cheminement ? En fait, j'interviens sur son corps à des endroits très, très précis. Je vais travailler sur l'arbre de vie de la personne. Voilà, qui est bien défini sur notre corps et sur tous les plans, que ce soit sur les plans subtils ou les plans ou le plan physique. Donc, ce sont avec des outils personnels, avec mes mains. Oui. J'induis une impulsion, une vibration à ces endroits bien bien précis, sans forcément, j'ai pas besoin de toucher la personne. C'est une impulsion vibratoire qui va faire le travail et qui va permettre voilà. De nettoyer, de restaurer, de réparer, de lever tous les blocages. Et ben c'est génial. Faire ce travail. C'est super. Alors, c'est parfois difficile de poser des mots hein, sur tout ça, parce que ce sont des thérapies ben, voilà, énergétiques, hein, ça veut tout dire. Hein, ça passe par d'autres canaux que celui de la parole. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous expliquer tout ça aujourd'hui. Comment un jour tu as rencontré cette forme de thérapie ? Moi, il y a 15 ans, j'ai été soignée par une chrysothérapeute, voilà, pour des problèmes familiaux, un divorce pénible, un deuil pas digéré. Oui. Voilà. Et j'ai toujours été très, très intéressée par toutes ces techniques d'évolution personnelle. D'accord. Donc, tout naturellement, voilà, je me suis formée à cette technique. Juste pour dire qu'il y a deux écoles dans le monde. C'est pour ça qu'il y a très peu de chrysothérapeutes finalement connus sur le secteur. Il y a une école voilà, près de Besançon et une autre en Écosse. Donc, on est peu de chrysothérapeutes à être formés. D'accord. Donc, voilà. Et ça se passe comment, cette formation ? Ça dure combien de temps ? C'est une formation qui dure véritablement 2 ans voilà, pour être chrysothérapeute. Après, une fois qu'on est rentré dans ce cheminement d'évolution personnelle, on est formé tout le temps. Voilà, encore aujourd'hui, moi je suis formée parce que pour appliquer un soin de chrysothérapie à une personne, il faut aussi que nous-mêmes, chrysothérapeutes, on soit aussi dans un cheminement d'évolution personnelle. Donc voilà, c'est un enseignement quotidien. Continue. Hélène, pourquoi tu as eu envie d'inviter, on t'a pas oublié, Hélène, tu te fais discrète, mais on t'a pas oublié. Pourquoi tu as eu envie d'inviter Christelle pour cet atelier de chrysothérapie ? Déjà, comment vous vous êtes rencontrés, etc. Alors, on s'est rencontrés par le biais d'une amie commune, en fait, qui m'a dit, je connais quelqu'un qui fait justement une thérapie un petit peu hors norme. Donc, je lui dis, moi sans problème justement parce que mon salon de thé est là pour ça, pour faire en sorte que le plus de monde possible connaissent ces différentes thérapies qui ne sont pas encore tout à fait connues. Oui. Donc, j'ai dit, sans problème. Donc, on s'est rencontrés et puis, elle a accepté, youpi. Et du coup, voilà. alors, je rappelle donc que cet atelier, il a lieu lundi prochain de 14h30 à 16h30. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire pour cet atelier ? Oui, il reste encore quelques petites places. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter, donc soit directement au salon ou soit par téléphone ou soit sur Facebook, voilà. Est-ce que l'entrée est libre ? Oui. En fait, il faut juste s'inscrire parce que les places sont quand même limitées, quand même. Tout à fait. Mais oui, donc c'est gratuit. Enfin, la seule condition, c'est que s'ils consomment sur place, bien sûr. Évidemment, ils payent la consommation. Et après, si ça les intéresse, si le feeling est bien passé avec Christelle, après, ça les regarde. Ça ne me concerne plus, justement. Je considère que j'ai fait mon travail, justement, de faire rencontrer les gens avec les thérapeutes. Et donc, voilà. C'est un sacré voilà, tu passes le relais, tu es un peu un médiateur, tu fais rencontrer de nouvelles choses aux gens. Et ça, c'est génial. Moi, je j'aime beaucoup ce que tu fais. Et, je suis ravie de te recevoir. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que le feeling est tout de suite passé entre vous deux? Est-ce que Christelle, tu as tout de suite été séduite Oui. un atelier avec Hélène, chez Hélène? Tout à fait, tout à fait. Et pour nous, thérapeutes, c'est pas facile toujours de se faire connaître. Oui. Voilà. Alors, c'est grâce à des personnes comme Hélène qu'on arrive à se faire connaître et, voilà, et à franchir le pas finalement d'aller parler de notre thérapie à des personnes qui veulent en savoir plus. Oui. C'est vraiment une étape essentielle. Et ça se fait toujours dans la bienveillance et dans l'écoute. Et ça, c'est ce qu'on aime. Hein. Oui. Ça, c'est très, très important. C'est ce que je voulais créer, justement, faire comme un cercle vertueux, que tout le monde s'y retrouve, que ce soit les thérapeutes, justement, au niveau de la communication, oui. puis rencontrer des futurs clients, parce que c'est le but, quand même, oui. Et aux clients de voir si, justement, la thérapie leur correspond, parce que, mine de rien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapie. Et oui. Donc, c'est vrai que c'est important, et voir aussi si le feeling passe. Tout à fait. Parce que c'est vrai que, des fois, on prend rendez-vous au téléphone, mais on ne sait pas vraiment si ça va bien se passer, si... C'est une première approche. Là, quoi. Oui. Donc, voilà, c'est pour ça, quoi. C'est important. Puis, ce qui est bien, c'est que dans mon salon de thé, justement, c'est que des gens qui sont réellement intéressés. Oui. C'est-à-dire que, il y a des personnes qui sont là vraiment pour découvrir, puisqu'ils ne connaissent pas, donc c'est le but. D'autres qui savent à peu près, mais ils veulent voir justement le thérapeute en personne. Donc voilà, mais c'est vraiment des gens qui sont là pour le bien-être, pour vraiment, dans cette démarche de bienveillance. Donc c'est ça qui est génial, quoi. Et parce oui. que du coup, à chaque atelier, ça fait des rencontres vraiment superbes. Mais je suis contente. Voilà, dans l'énergie positive, et oui, ça, voilà. c'est très très important. Et puis, oui. dans le bien-être, comme tu l'as dit, c'est vraiment très très vaste, hein, y a beaucoup de choses de proposer et il ne faut pas se décourager, hein, c'est pas parce qu'une technique ou une thérapie n'a pas fonctionné ou ne vous a pas donné envie qu'il n'y aura pas autre chose pour vous. Et voilà, grâce à toi Hélène, eh ben, on peut rencontrer plein de choses très intéressantes, parce que figure-toi que moi je ne connaissais pas du tout la crisothérapie, que c'est grâce à mon suivi sur Parenté Boutique sur Facebook que j'ai vu que tu proposais avec Christelle donc sa thérapie qui est la crisothérapie, et je trouve que c'est super. Enfin, merci. Voilà, c'est mérité. Pour cet atelier, combien de personnes au maximum vous pourrez accueillir? La dernière fois, ils étaient 12 ou 13, je ne sais plus. Oui, peut-être. Oui, 12. Enfin, une petite dizaine. Ouais, quoi. Donc, c'est généralement ce qui est bien. Quoi. Ouais. Disons que, ce que j'ai déjà fait des ateliers où on était plus de 20, mais là, c'est trop, je veux dire, pour que les gens soient vraiment bien. C'est pour ça que je propose plusieurs dates. Quand je vois oui. qu'il y a trop de monde, j'appelle vite les thérapeutes en disant, là, il y a peut-être un petit peu trop de monde. Est-ce que ce serait possible de faire une deuxième date? Et du coup, voilà, comme ça, ça fait un plus petit groupe à chaque fois. Et c'est demandé si gentiment que c'est toujours... Voilà. Du coup, voilà, c'est bon. Du coup, ça passe bien. Ils acceptent de revenir. Et puis, donc, voilà. Christelle, ça se passe comment au sein de l'atelier? On va vraiment parler déjà de l'atelier, et puis après, de tout ce que tu proposes, toi, parce que tu es déjà, on ne l'a pas dit, mais tu es installée à Remiremont, c'est ça? Oui, je suis installée à Remiremont depuis maintenant un an. Oui. Voilà. Je ne sais pas si je dois donner l'adresse. Tu fais suite. Comme tu veux. Alors, c'est, voilà, je suis installée au 26 rue Maldoyenne, 26 bis rue Maldoyenne à Remiremont. Oui. Donc, où j'ai un cabinet. D'accord. Où je reçois les personnes. Et donc, du coup, durant l'atelier que tu vas faire et que tu as déjà fait chez Hélène, comment ça se passe? Tu amènes une approche en profondeur ou plutôt tu survoles le sujet? Comment ça se passe? Parce que là, c'est 2 heures quand même. Est-ce qu'on a le temps vraiment de... Donc, voilà. J'explique pendant ces 2 heures-là, j'explique exactement, voilà. À quoi correspond la crisothérapie, oui. comme beaucoup de personnes ne oui, connaissent oui. pas. Et j'explique également ce que je fais et ce que je vais apporter comme transformation aux personnes voilà, qui reçoivent un soin, sur quelle sujet je vais travailler. Ça dépend aussi de la problématique de la personne. Voilà, oui. C'est ça, un soin de crisothérapie, on peut travailler sur la problématique familiale, sur la problématique professionnelle, sur le financier, sur le sentimental. Donc en fait, ce sont vraiment des soins personnalisés. Donc quand j'interviens chez Hélène, j'explique voilà globalement ce que je vais pouvoir apporter aux personnes qui veulent recevoir un soin de crisothérapie. D'accord. Et où je travaille, enfin sur quelle sphère en fait je travaille au niveau énergétique et vibratoire pour leur permettre de résoudre leurs problématiques. Je suppose que c'est quand même très important voilà, d'expliquer aux gens qui viennent à toi comment ça se passe. Oui. Parce que voilà, tu travailles sur des points bien particuliers. Il faut, j'imagine, que la personne qui vient te voir soit vraiment informée sur ce qui va se passer, etc. Bah, pas forcément. En fait, le soin de crisothérapie dure environ 3/4 d'heure. Oui. Voilà. Bien sûr, j'ai un contact avant avec la personne. On discute un peu. Après, la personne n'est pas forcément obligée de faire un état complet de son état. Juste, voilà, les grandes lignes. Et on se fait ensuite le soin. Toutes les personnes qui viennent me voir, en fait, ce sont des personnes qui veulent finalement passer de leur positionnement de victime à « je me prends en main ». D'accord. Voilà. Devenir acteur de sa vie. C'est ça. Donc, finalement, on discute un petit peu et après, elles me font confiance et je vais les aider à passer de cet état à un autre. À celui d'acteur de sa vie au lieu de spectateur. Mmh. Et c'est tout ce qu'il nous faut, en fait. Hein. Mmh. Hein, si je peux me permettre, Lia. Bien sûr, permets-toi. C'est vrai que Christelle m'a offert justement une petite séance pour que je puisse justement voir ce que c'est tout ça. Alors moi, j'y suis allée, contrairement justement. J'y suis allée vraiment. À tâtons. Voilà, à tâtons. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis surtout, je n'attendais rien, en fait. D'accord. Et puis, comme je lui ai dit, moi, je la remercie parce qu'en fait, elle m'a fait réaliser que j'étais dans un cercle un petit peu vicieux. Oui. Je ne me rendais pas compte qu'en fait, j'étais ancrée dans quelque chose de malsain pour moi. Oui. Et en une séance, c'est vrai, comme elle disait, je me prends en main, en fait. Ça fait plusieurs mois, parce que du coup, donc, c'était au mois d'avril que je l'ai fait. Heureusement qu'elle m'a poussé un peu la porte, parce que sinon, je pense que je ne l'aurais pas encore fait, parce que justement, je ne m'en rendais pas compte. Oui. Et du coup, voilà, donc elle m'a un petit peu forcé la main, heureusement, merci d'ailleurs. Et depuis, vraiment, c'est vraiment un mieux-être, mais vraiment, c'est sincère. C'est marrant que tu dis ça, parce que tu as passé la porte et franchement, j'ai trouvé que tu étais différente. Mais c'est vrai que tout le monde me le dit, en fait. Enfin, même mes proches, ils me sentent vraiment plus apaisée, je dirais plus ancrée. Oui, tu vois, j'irais plus droite dans ce que tu es, en fait. Oui, plus, plus toi-même. Oui, voilà. C'est exactement ça. En fait, comme elle m'a fait réaliser, moi j'étais une éponge émotionnelle. Non. Ah bon. si vraiment. et c'est vrai que je n'existais plus, en fait, tout simplement. Enfin, moi je n'existais plus. Oui. Et là donc ça fait quelques mois que je me prends en main et que j'existe et que j'apprends à vivre en tant que moi, en fait, et c'est vrai que ça fait un bien fou, quoi. Donc vraiment pour ceux qui veulent vraiment sauter le pas, mais moi je vous le dis, allez voir Christelle, parce qu'en plus elle est d'une douceur infinie, puis elle nous écoute, elle est bienveillante. Voilà. Merci Hélène. Non mais c'est vrai. Très beau témoignage. Voilà, super. Merci. Eh ben, si vous le voulez bien, toutes les deux et nos auditeurs, on va tout de suite se lancer dans une première bulle de son avant d'en savoir encore plus sur ce que Christelle nous propose avec la crisothérapie et puis peut-être tous les ateliers qui se dérouleront bientôt chez Hélène. Je suis ravie de vous accueillir toutes les deux. En tout cas, c'est avec vraiment grande joie que je partage ce moment avec vous. On va écouter Full Tilt Boogie de Uncle Louis et on se retrouve juste après. All you got and do it to the bang. Hotel Boogie. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle aujourd'hui avec deux invités pour partager ce moment. Christelle Balthazar qui nous propose aujourd'hui une thérapie nommée chrysothérapie et Hélène, hein, que l'on ne présente plus de parenté boutique. Rebonjour, merci encore à toutes les deux d'être parmi nous aujourd'hui. Alors on essaye d'en savoir plus aujourd'hui sur la chrysothérapie. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plusieurs types de soins dans cette thérapie ou est-ce que c'est un unique soin? C'est un unique soin. Oui. Voilà. Après, pour le premier soin, je fais donc un soin complet pour faire un état, voir l'état général de la personne. D'accord. Au niveau énergétique et vibratoire. Et ensuite, pour le deuxième soin, parce que ce qui est important, relativement important, c'est de réaliser 3 soins à 3 semaines d'intervalle. D'accord. Voilà. On vient vraiment faire une transformation. Au sein de la personne au premier soin, et c'est relativement dommage de s'arrêter là. Alors voilà. Hélène, oups. Mais je l'attends. Oui, c'est vrai en plus. Faut que je me prenne le temps, oui. Oui, mais Hélène a déjà fait un gros travail. Oui. En plus, quand on fait un soin, il y a quand même, au niveau de la répartition du travail, le soin du thérapeute, donc à un tiers... le soin du thérapeute est important. Il y a aussi la part de la personne qui veut vraiment prendre sa vie en main. Oui. Donc, je pense que Hélène a profité de cette impulsion pour mettre vraiment des choses en place. Donc, c'est pour ça qu'il y a des très très beaux résultats avec Hélène. Et puis, il y a un tiers un peu ce qu'on a décidé aussi un petit peu pour nous. D'accord. Voilà. Mais à partir du moment où on met en place des actions, le soin a des effets fabuleux. Ah oui. Alors, au sein de la séance, il y a plusieurs temps. Donc, tu le disais, il y a déjà, je suppose, l'écoute de la personne qui arrive à toi. Oui. Donc, tu écoutes un petit peu ses attentes ou non, d'ailleurs. Enfin, c'est sur ce sur quoi elle aura envie que tu travailles. Oui. Hein, donc, il y a un bilan, peut-être. Oui, on va parler une vingtaine de minutes. Voilà, d'accord. Avec la personne. Souvent, ce sont des personnes aussi qui ont fait d'autres thérapies, donc avec des thérapies type psychologique. Donc, ce sont des personnes qui ont l'habitude aussi de parler de leurs problématiques. D'accord. Donc, et c'est important de les accueillir. Donc, pendant une vingtaine de minutes, on va discuter. Et ensuite, la personne. Donc, j'invite la personne à se mettre sur le. Soit assis, soit couché, pour effectuer ce soin qui va durer environ 3/4 d'heure. D'accord. Voilà. Et en fonction de mes ressentis et du travail qui a effectué, je vais approfondir telle ou telle partie du soin pour régler telle ou telle problématique. D'accord. De façon plus approfondie. Est-ce que parfois il arrive qu'il y ait une personne qui vienne à toi pour un souci, enfin une gêne, quelque chose qui ne va pas, et qu'au final, pendant ce soin, tu détectes autre chose qui va se régler en même temps? Oui, parce que souvent, quand la personne vient avec une problématique, elle a une problématique en tête, et finalement, c'est un peu notre façon aussi de nous protéger. On a toujours l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Donc, en faisant le soin, on arrive à aller chercher souvent une origine différente, d'un autre problème à résoudre, et qui, au final, va se répercuter sur l'état général de la personne et améliorer finalement. La personne, sa situation. D'accord. Voilà, pour laquelle elle était venue. Venir vers toi. Voilà. Du coup, la personne est allongée ou assise selon, j'imagine, sa préférence, peut-être. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que donc, tu la touches pas? C'est simplement ce que toi, tu ressens? Voilà, donc je fais le soin sur la personne. Ensuite, si la personne veut parler pendant le soin, il n'y a aucun problème. Justement, voilà, on peut encore échanger pendant le soin, suivant les ressentis et ses propres ressentis à elle aussi, parce que les personnes, en général, ont des ressentis. Est-ce que tu as ressenti des choses? Oui. Oui. Oui, parce qu'à un moment donné, justement, j'étais allongée. Donc, ce qui est bien, c'est que justement, elle ne touche pas. Enfin, je sais que... Il y a des gens qui ont du mal avec le contact. Voilà. Donc, comme moi, par exemple, c'est toujours un peu délicat, parce que c'est comme si on rentrait dans notre bulle intime, quoi. Donc, et c'est vrai que j'avais fermé les yeux en me disant, allez, je vais profiter de ce moment et tout. Et à un moment donné, j'ai cru que j'allais étouffer. Donc, je manquais d'air. Et en fait, c'est parce qu'elle avait sa main au-dessus de ma gorge. Ouais. Et en fait, c'est parce que ça travaillait. Ça travaillait beaucoup. Et pareil, donc à un moment donné, elle était au-dessus de ma tête. Et donc pareil, j'avais l'impression qu'elle me comprimait la tête. Mm-hmm. Mais pareil, c'est parce que ça travaillait. Donc c'est vraiment des ressentis, quoi. Donc, Là, ça me fait penser au chakra. Là. Chakra couronne, chakra de la gorge. Est-ce que ça fait partie de la thérapie là? Je travaille aussi sur les chakras, sur les méridiens d'acupuncture, sur les différentes sphères de notre arbre de vie. Donc au départ, on est bien sur une technique et une méthode égyptienne qui a bien sûr évolué au cours des siècles. Donc je vais travailler aussi avec sur les chakras. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe en toi, Christelle, quand tu fais un soin? Aujourd'hui, quand je fais un soin, j'ai aussi beaucoup de ressentis, ce qui va me permettre de savoir où je dois travailler et approfondir mon soin. Oui. Voilà. Ces ressentis, en général, je les fais partager à la personne pour pouvoir encore débloquer plus rapidement le souci, la problématique. Est-ce que c'est important de se protéger quand on fait un soin énergétique à quelqu'un pour ne pas peut-être accumuler son énergie ou ses ressentis, une sorte d'empathie peut-être plus intense? Oui, tout à fait. Nous, en tant que chrysothérapeute, on a aussi nos techniques pour nous protéger, nous restaurer également. Oui. Parce que le but, c'est d'aider la personne et c'est pas de tomber malade et de plus pouvoir apporter notre aide. C'est C'est ça. Donc, en fait, le soin que j'applique aux patients, aux clients, je me l'applique également à moi. D'accord. Voilà. On est vraiment sur les mêmes techniques de protection et de traitement des blocages ou des agressions. D'accord. Donc, je me fais également, voilà, le soin sur moi Pour me protéger, ouais. Et me restaurer, voilà. C'est quand même passionnant ce sujet de la crisothérapie. Tu as une très bonne idée, Hélène, de proposer cet atelier pour que ce soit connu, parce que c'est encore très méconnu, ça, la crisothérapie. Oui. Hein? Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui proposent cette forme. Non, et en plus, je ne sais pas si je l'ai dit au début de l'émission, mais il y a deux écoles dans le monde. Oui, tu nous as dit. Je l'ai dit. Donc, Écosse. Écosse et voilà, près de Besançon. Oui. Donc, ce sont vraiment des personnes voilà, magnifiques qui nous transmettent ce savoir-là. Après, je ne sais même pas si d'autres personnes pourront prendre le relais pour D'accord. transmettre ce savoir. Ah. Donc, il faut vraiment profiter aujourd'hui de cette thérapie. Et oui. Ouais. Et de tout ce qu'elle peut vous apporter et nous apporter. Et oui. En tout cas, merci à toutes les deux d'être parmi nous pour nous parler de tout ça aujourd'hui. Moi, je suis passionnée par le sujet. J'adore. J'adore. Si je puis me permettre. On va se lancer tout de suite dans une deuxième bulle de son avant d'en savoir encore plus. J'ai l'impression que cette émission va passer encore à toute vitesse. J'espère qu'on aura le temps de tout dire. Mais si on n'a pas le temps de tout dire, eh ben, pas de panique. Hein. Christelle sera présente à Parenté Boutique lundi prochain de 14h30 à 16h30 et il est encore possible de s'inscrire. On se lance tout de suite dans ce son de Pretty Lights pour Finally Moving et on se retrouve juste après. Thank you. sommes toujours ensemble sur Radio Guémozo aujourd'hui dans notre émission deux invités d'exception. Non, j'aime bien mettre en valeur mes invités parce qu'aujourd'hui, on parle de quelque chose de très intéressant, une thérapie nommée chrysothérapie et qui est vraiment méconnue en plus. Donc, je suis vraiment ravie de vous faire partager tout ça. Voilà, aujourd'hui dans la bulle avec Christelle et Hélène de Parenté Boutique qui accueillera eh bien, très bientôt à nouveau Christelle au sein eh bien, de son salon de thé pour vous proposer une approche déjà une approche de ce soin. Voilà, de cette thérapie en particulier. Alors Christelle, à qui s'adresse cette thérapie, ce soin? Tu me disais en off qu'il n'y a pas de limite d'âge. Tout à fait. Ça s'adresse à tout le monde, sans distinction d'âge. Voilà, du petit bébé qui a du mal de faire ses nuits ou qui a des problèmes digestifs. Jusqu'à illimité, nos limites, voilà. Parce que à tout âge, voilà, on a envie aussi d'améliorer, voilà. Bah, bien sûr, ouais, son état. Est-ce que tu as une approche différente du coup avec les enfants? Alors effectivement, avec les enfants, on va pas discuter pareil qu'avec un adulte, voilà. Hein, y a besoin, voilà, aussi de le mettre en confiance parce que un enfant, il doit aussi participer à sa thérapie, et donc oui. Il a besoin de le mettre en confiance, mais à son niveau d'enfant. Donc voilà, je suis très empathique. Peut-être. Il a besoin de le mettre en confiance. Oui. En... Est-ce que le soin dure aussi longtemps? Alors le soin, oui, c'est un soin qui est un petit peu incompressible. D'accord. Alors voilà, il va durer 3/4 d'heure. Alors comme les enfants sont un petit peu moins abîmés que nous, quand oui. même, que oui. qu'un adulte. Un peu moins agressé, un peu moins pollué. Donc, on gagne quand même environ 10 minutes sur le soin. Ça, c'est un soin qui va durer 35 minutes au lieu de 45. Oui. Parce qu'il y a souvent moins de travail. Oui. Son corps mental, son corps émotionnel est un peu moins perturbé. Donc, il y a moins aussi de blocage. De blocage, oui. Et il laisse plus facilement finalement passer le soin. D'accord. Voilà. Oui, il est plus qu'un adulte. Oui. Ouais, il est moins dans la résistance. C'est vrai. Donc on gagne un peu plus de temps. D'accord. Et les résultats souvent se font ressentir plus rapidement aussi. D'accord. Voilà. Oui, on le voit avec Hélène. Hein. Tu vois, tu as eu la chance de pouvoir avoir ce soin en avril, c'est ça? Oui. Et tu disais que ça s'était fait un petit peu sur le long terme. Oui, bah, c'est vrai que l'après-coup, c'était un petit peu dur, entre guillemets. Disons que je me suis sentie... disons que je sentais qu'à l'intérieur ça agissait, alors ouais. Je saurais pas mettre un mot dessus, oui. Mais voilà, voilà. Et c'est seulement en fin mai que je me suis dit mais oui, faut que j'avance, quoi, faut que j'évolue, faut que, donc ce qui fait que ça rejoint ce que Christelle disait, il y a aussi une part de nous, il faut oui. qu'on ait envie de d'avancer. Donc c'est vraiment fin mai début juillet que je me suis dit fin mai début juin, plutôt, c'est mieux, que je me suis dit mais oui, faut que j'avance et tout. Et c'est vraiment début juillet que j'ai vraiment senti les changements. Que tu as fait opérer les changements. Oui, voilà. Que du coup, des choses toutes bêtes, je prends soin de moi. Comme on disait oui. tout à l'heure en off, je me surprends à me faire des petits cadeaux. Donc c'est presque rien, mais avant je le faisais pas. Je prenais des cadeaux pour les autres, mais certainement pas pour moi. Tu te considères. Oui, voilà, exactement, c'est le mot. Maintenant, je me dis, oui, j'existe, je suis une personne. J'ai le droit d'exister, quoi. C'est ça, c'est super. Donc, beau. Voilà. Très beau changement. Ça merci. Te va très bien, en tout cas. Merci. C'est gentil. Il faut pas être dans la résignation, justement. Oui. Il faut accepter que les choses peuvent évoluer oui. et peuvent aller mieux. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ta thérapie, elle peut s'adresser aussi en complément avec d'autres soins plus lourds. Comme la chimiothérapie. Oui, on peut tout à fait appliquer un soin de chrysothérapie à une personne qui a un lourd traitement médicamenteux, comme par exemple la chimiothérapie. Voilà, alors aucunement ça remplace tout traitement oui, médicamenteux. On vient en complément pour permettre de mieux accepter tous ces traitements lourds. Voilà, oui, oui. Qui sont souvent très très agressifs pour la personne. C'est vrai. Voilà. Et accepter ce qu'on vit au quotidien et être dans ce qu'on vit, c'est très important ça. Il faut essayer de ne pas être dans le déni voilà, soit de fermer les yeux sur la situation, soit de la voir toujours en noir, et puis voilà, faire quelque chose pour que ça change. Voilà, c'est déjà un pas énorme. Hein. Ouais. Tu peux t'adresser à différents types de personnes par rapport à des soucis différents. Sur quels soucis tu peux agir ? Oui, donc on peut agir sur tous les soucis privés. Oui. Voilà, lorsqu'on a du mal à prendre nos responsabilités ou qu'on manque de discernement pour tel ou tel souci, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou familial. Mm-hmm. Voilà, donc là, un soin, ça va permettre de passer cette étape-là et de pouvoir se retrouver avec son propre discernement. On peut agir également sur tous les problèmes d'angoisse, de burn-out, des personnes qui veulent également passer le pas d'arrêter de fumer. Mmh. Voilà, hein, souvent, c'est elles sont rentrées dans un cercle vicieux aussi de la cigarette. De la dépendance, d'une dépendance, oui. Voilà. Donc, sur toutes les dépendances, la crisothérapie fonctionne très bien. Sur les appréhensions lors des périodes de changement de cap. Oui. Voilà. Pour les enfants, qui ont des problèmes de difficultés scolaires, des conflits relationnels, voilà, les tout-petits qui ont du mal de dormir, qui sont agités. D'accord. Voilà, ça permet de les tranquilliser. Bah dis donc, quel programme, ça donne envie. Hein. Oui. Hein. Je suis sûre que tu vas bientôt y retourner, Hélène. Ah oui, il faut. Et si jamais on a plusieurs soucis en même temps, comment ça se passe? Mais c'est pas grave, j'accepte aussi les personnes qui sont pluri. Oui. Avec beaucoup de difficultés, mais il y a aucun souci. Enfin, la personne qui vient me voir, c'est une personne qui a envie de solutionner ses problèmes. Donc, il y a aucun problème qui ne peut pas être solutionné si on a envie de se prendre en main et, tout à fait. Et, voilà, et d'aller de l'autre côté. Quoi. Oui. Donc, plus la personne a cette volonté-là de s'en sortir, que ce soit, même si elle a des difficultés très, très importantes, Le soin aura des effets très positifs. Parce que le premier cap à franchir, c'est celui de vouloir devenir acteur de sa vie. Oui. Et ça, déjà, c'est un premier cap qui, toi, pourra t'aider. C'est ça. Voilà. Et on n'est pas tous aujourd'hui capables d'avoir envie de prendre sa vie en main non plus, quoi. C'est vrai. Voilà. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, même les personnes qui écoutent votre émission, aujourd'hui, ça ne leur parle pas forcément. Et puis, peut-être que dans un mois ou deux mois, elles vont se dire, si, là, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Oui. Voilà. Tout à fait. Et puis chacun a besoin de prendre le temps dont c'est il a ça. Besoin hein, pour aller vers une thérapie ou une autre, ou en tout cas un changement personnel. Pas de panique, ne vous précipitez pas, allez surtout à votre rythme. Sachez en tout cas que la crisothérapie, ça existe, que Christelle propose ça sur Remiremont et que Hélène propose cet atelier lundi prochain, hein, vous l'aurez bien compris, et qu'il est gratuit. Donc en plus, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors tu peux aussi agir sur les lieux de vie. Oui. Parce que parfois, on a un lieu d'habitation, un appartement, une maison où on ne se sent pas bien. Voilà. Oui. Et tous nos lieux de vie sont aussi chargés d'énergie et de vibrations. Et des fois, ces vibrations et ces énergies ne sont pas en accord avec nous-mêmes, donc finissent par nous polluer. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on entend même beaucoup parler aussi des pollutions telluriques, atmosphériques. Donc là, on peut aussi intervenir dessus. Et je fais des soins donc, qu'on appelle écologie sacrée, sur les lieux de vie pour permettre à la personne, même en complément d'un soin crisothérapie sur elle, oui. de pouvoir vivre mieux dans son environnement quotidien. Ça, c'est bien. Est-ce que du coup, tu te déplaces chez la personne ou tu fais ça? Souvent, c'est quand même préférable que je me déplace chez la personne pour moi-même ressentir les lieux. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on va se lancer tout de suite dans notre troisième bulle de son. Je vous l'avais dit, cette émission allait passer à toute allure. Ah oui, ça. Hein, et on écoute Verse de Tamino et on se retrouve juste après pour la fin de cette émission avec nos deux invités d'aujourd'hui. Ne bougez pas. Merci. Left with no voice. turns our light up as the earth under the sun. By her sound my verses flow. Please don't you ever stop singing. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle aujourd'hui pour parler eh bien, de la crisothérapie, hein, vous l'avez bien compris. Moi je suis vraiment ravie eh bien, d'avoir fait connaissance avec cette thérapie qui s'offre à nous. Hein, dans le bien-être, il y a de multitudes de choses à rencontrer. Et voilà, là on a fait connaissance avec la crisothérapie. D'ailleurs tu as proposé cette forme de thérapie, en tout cas tu es allée au devant des gens. Christelle, il me semble au salon du bien-être qui a eu lieu très récemment, c'est-à-dire ce week-end. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé? Très, très bien. On a eu beaucoup de visiteurs, des visiteurs intéressés par tout ce qui est médecine complémentaire, et des personnes qui se sont déplacées aussi pour en apprendre davantage. Ça, c'est chouette. Très beaux contacts. Les gens vont devant de choses alternatives dans le bien-être, et ça, c'est chouette. Oui. C'est chouette. En tout cas, bravo à tous les intervenants qui ont fait ce beau salon du bien-être à Saint-Étienne-lès-Remiremont ce week-end. Je suppose que vous avez passé un très bon moment et ça, c'est super. C'est super. Alors Christelle, donc si on veut te rencontrer, donc ça se passe à Remiremont, hein, ton site c'est christellebalthazar.fr. Oui, tout attaché. Hein. Je remettrai le lien de ce site internet avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui qui sera retransmise à minuit normalement si tout va bien. Ça change un petit peu d'horaire les rediffusions, donc ne vous inquiétez pas, je remettrai tout ça sur notre site internet et notre page Facebook avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui, si vous voulez l'écouter, la réécouter, Non, je rigole. Vous pourrez en tout cas prendre contact avec Hélène et à venir à sa boutique 44 rue de la Courtine à Remiremont, c'est ça? Oui, exactement. Hein, t'as vu, je suis bien renseignée. Oui. Sans blague, donc du coup, tu prépares et tu proposes bientôt d'autres ateliers. Oui. Alors? Alors, du coup, donc Christelle viendra donc le lundi 12 novembre, donc à 14h30. Oui. J'ai Antoine Poquelin qui revient du coup aussi une deuxième fois, donc ce samedi 10 novembre à 10h. Pour proposer un atelier de sophrologie. D'accord. Donc pareil, pour montrer les différentes façons de faire la sophrologie. Ouais. Donc voilà, donc pareil, donc là c'est ouvert pour tout le monde et pour les enfants à partir de 8 ans. Parce que comme il l'expliquera justement samedi, avant, c'est c'est plus délicat effectivement avec les enfants plus petits, mais voilà. En tout cas les enfants à partir de 8 ans peuvent venir. Voilà, j'aurai Charlotte Cheyère qui viendra du coup le mardi 20 novembre à 14h30 pour proposer le massage métamorphique. Oui. Donc voilà, j'aurai normalement aussi Émilie de l'association Graines d'autonomie à Épinal qui viendrait le samedi 24 novembre à 10h pour proposer une conférence sur que disent nos émotions en général. D'accord. Donc voilà. Ouais. et j'aurai donc Marine Méry, donc une photographe, qui proposera donc le samedi 1er décembre de 9h à midi un shooting photo spécial Noël. Donc, donc ça, voilà. Bah, en fait, on le propose chaque année. Ouais. Donc voilà, ça se passe bien. Avec une autre chose incontournable tous les ans à cette période, c'est le calendrier de l'Avent. Oui. C'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas pu en parler. Donc oui, c'est un calendrier de l'Avent que je propose. Donc ça fait maintenant la troisième année que je le propose. Oui. Donc ça plaît bien. Donc c'est moi qui le fais entièrement avec mes petites mains. Ouais. Donc je passe du temps. Mais voilà, mais j'en ai déjà de près. Donc en fait, c'est-à-dire que voilà, donc dans ma boutique, je propose aussi donc, du thé blanc, thé vert, thé noir, rooibos, infusion fruitée, tisane, donc principalement bio. Donc que du naturel, donc sans conservateur, sans arôme artificiel, sans colorant, donc voilà, que du naturel. Oui. Et donc soit aromatisé ou soit nature. Et en fait, donc les gens, s'ils viennent et qu'ils veulent un calendrier de l'Avent, donc ils me disent en gros s'ils veulent que du thé, que des infusions fruitées, enfin voilà, donc disons que c'est vraiment personnalisé. Oui. Et en fait, donc et après je me débrouille pour leur faire justement un calendrier qui correspond à leur goût. Oui. Et ce qui fait que à partir du 1er décembre, eh ben ils ouvrent une petite pochette et comme ça ils ont une dose donc dans un sachet filtre, donc pareil, donc 100% naturel, qu'ils peuvent déguster, ce qui fait que du coup ils ont une saveur et un genre de thé, tisane, rooibos, voilà, différent, tous les jours à déguster jusque Noël. Donc, ça c'est chouette. Voilà. Et puis on peut aussi offrir ça ou se l'offrir. Voilà. Bah là j'ai déjà eu des commandes, donc les gens c'est j'en veux un pour moi puis un pour offrir. Donc ça c'est chouette. Voilà. C'est chouette. Voilà. Ça commence à prendre un petit peu de l'ampleur tout ça. Hein. Tu commences un petit peu à te faire connaître avec tout ce que tu proposes en tout cas. Oui, j'essaye. Oui, je t'assure. Et du coup voilà, tout au long de l'année 2018, tu as proposé plein d'ateliers différents. Oui. Il y avait quoi, par exemple ? Alors, je commence à partir de janvier, voilà, parce que donc en décembre, par contre, voilà, petite précision, il n'y a pas d'atelier, c'est le seul mois où vraiment c'est en stand-by. Attends, on fait une petite pause. Voilà, parce que tout le monde est dans Noël et tout ça, donc voilà. Donc, ce qui fait que c'est à partir de janvier, donc j'ai eu Marie-Clémence de l'Institut Retour aux Sources qui est venue donc pour la luminothérapie. Mmh. J'ai eu l'EFT, donc les techniques de libération émotionnelle par Eliane Couval. J'ai Anne Lemaire qui est venue parler de l'hypnothérapie et qui a fait aussi une petite démonstration. Donc, alors pas l'hypnothérapie, enfin comme on entend, enfin comme on voit donc à la télé, c'est vraiment pas l'hypnose spectaculaire. Oui, voilà, c'est vraiment de l'hypnothérapie. On vous fait pas faire coin-coin. Oui, voilà, c'est voilà, ça. C'est vraiment pattes. Pour avancer, quoi. Voilà. J'ai eu Angélique Maurice pour la réflexologie plantaire. C'était un très bon moment d'ailleurs. j'ai eu Patricia Baird de En douceur qui avait proposé aussi le Lao Chi et les thérapies holistiques. J'ai eu André de Synergis Formation qui a proposé la digitoponcture, donc ça c'était génial aussi. J'ai eu Sylvie Alvaro d'être soi-même qui est venue proposer la méditation sonothérapie. Ouais. Donc pareil, génial. J'ai eu Marie-France Rusconi pour la revalorisation de la confiance en soi, donc un très grand sujet. J'ai eu Charline Mercier pour la biokinésie. J'ai eu André de nouveau pour les points CNAP. Et du coup, voilà, j'ai eu Antoine Poquelin pour la sophrologie et Christelle pour la chrysothérapie. Donc, voilà. Un panel de soins complet pour aller mieux. Et ça, c'est super pour se connaître. Et puis en plus, j'imagine qu'on fait connaissance avec d'autres personnes. Et ça doit être très convivial. Oui, parce qu'à chaque atelier, du coup, j'ai des personnes qui viennent régulièrement parce qu'ils n'ont peut-être pas encore trouvé la thérapie qui leur correspond ou qui, justement, aiment bien changer. Et j'ai des nouvelles personnes qui, justement, se disent « Bah tiens, ça ça me parle. Donc je viens découvrir et puis on verra bien. Est-ce que tu goûtes à toutes les thérapies, Hélène ? Non. C'est vrai que j'ai la chance, j'ai des thérapeutes qui m'offrent les thérapies, mais j'ai malheureusement pas le temps. Il faut prendre le temps de prendre le temps. Ben oui, je sais. Le pire, c'est que c'est ce que certains clients me disent. Tu proposes des moments pour qu'on prenne soin de nous et tout ça, mais toi, tu prends pas soin de toi. Donc. Mais ça va venir. Voilà. Ça, c'était avant. Voilà, c'était avant. Ouais. Maintenant, ça va venir. Ouais. Est-ce que tu assistes à tous les ateliers ? Alors, j'essaye. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vrai que comme j'ai le côté boutique, ouais. J'ai les métiers à faire. J'ai plein de choses à faire. Tu es surbookée. Mais j'essaye en tout cas de me libérer quand même l'instant quand c'est l'atelier pour quand même profiter justement pour au cas où s'il y a des clients qui n'ont pas pu venir ce jour-là, que je puisse expliquer après pour donner envie, que comme ça quand le thérapeute revient qu'il puisse se dire oui moi j'ai envie d'y aller donc une oreille attentive pour retransmettre encore une fois les informations bien utiles à chacun d'entre nous, et ça c'est tout à ton honneur. Merci Christelle, on te retrouve donc 26 bis rue Maldoyenne à Remiremont. Oui. On peut prendre contact avec toi sur via ton site internet ou ton numéro de téléphone est indiqué. C'est le plus simple de m'appeler. Oui. Ça permet déjà d'avoir un premier contact téléphonique. Et ça, c'est important ? Oui, c'est important. Pour les deux ? Mais pour les deux personnes, oui. La personne qui veut venir me voir, le fait de me parler un petit peu au téléphone, ça permet une première approche. Oui. Donc, c'est bien. Puis on se met vraiment dans le soin plutôt que de rester dans le virtuel. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est important. Donc, du coup, c'est christellebalthazartoutattaché.fr. Mais comme je l'ai dit avant, pas de panique. Je remettrai le lien de ce site où vous trouverez les coordonnées et puis plusieurs informations sur ce que tu fais directement sur le site internet, si on veut en savoir plus. Et puis, tu es bien entendu chez Hélène lundi prochain pour ceux qui ont envie de voir directement ce qui se passe avec la crisothérapie. Et puis, peutêtre que le feeling se fera et que cette thérapie alternative fera écho en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous serez venu voir. En tout cas, on ne force à rien, juste on amène les choses à ceux qui en auront peut-être besoin. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà. Très bien dit. Voilà. Merci. En tout cas, je vous remercie toutes les deux, Hélène et Christelle, d'être venues jusqu'à moi aujourd'hui dans les studios de Radio Guémozo pour nous parler de la crisothérapie et puis de tout ce qui se passe avec toi, Hélène, chez Parenté Boutique. Est-ce qu'il y a un dernier petit mot pour nos auditeurs, peut-être ? Ne vous battez pas. Mais moi, je voulais déjà te remercier, toi. Merci. De permettre aux thérapeutes de venir parler de leur travail et de leur thérapie. Ça, c'est vraiment, pour nous, thérapeutes, un appui formidable. Merci. Je voulais remercier aussi Hélène, parce que sur Remiremont, je ne connais pas d'autres adresses. C'est vrai. Aussi sympathiques, où on peut boire aussi un thé tranquillement et pouvoir discuter avec des personnes, qui ont une oreille attentive. Oui. Sur ce qu'on fait, ce qu'on propose. C'est vrai. Merci. Et toi, Hélène, merci à Christelle de venir, du coup. Puis, merci à toi, Lia. C'est un bel échange, un très bon moment partagé. Et je vous remercie encore. Et puis, on remercie, bien sûr, nos auditeurs qui sont avec nous tout au long de la journée, parce que le programme continue. Nous, on se retrouve lundi prochain avec Fred, qui nous parlera de sa passion pour la musique et tout ce qu'il propose au sein de son studio. Et puis demain, mardi, à 8h et 13h30, c'est Minute Bonheur et je vous parlerai cette fois-ci d'altruisme. Merci encore à toutes les deux. Et puis pour nos auditeurs, c'est comme tous les jours, n'oubliez pas, bonheur, joie et rire à tous. Merci. Underground. You're